Document 2, page 54. Sophie, où es-tu ? Dans la salle de bain ! Mais qu'est-ce que tu fais ? J'en ai marre, je vais tout changer ici. Mais qu'est-ce que tu vas changer ? C'est très bien comme ça ! Je vais peindre les murs en bleu, comme la mer. C'est tout ? Non, je vais changer la baignoire. Et pourquoi ? Elle est trop vieille. Je vais mettre une douche, c'est plus pratique. On va avoir de la place alors. On va installer le lave-linge ici. Oh, pourquoi pas ? Tu ne veux pas changer le lavabo ? Mais si, je vais mettre deux lavabos et un grand miroir. Et qui va payer ? C'est toi, mon chéri ! Mais je vais t'aider !